y a quelque chose de vertigineux à se pencher sur le legs d'Aristote, dans une volonté que l'on qualifierait aujourd'hui de façon anachronique d'holistique. Le philosophe grec a tâché méticuleusement de décrire le monde et les règles qui le régissent ici-bas, dans le monde infralunaire, perfectible, soumis à des forces contradictoires, et là-haut, dans ce monde des astres absolus et permanents, celui de la quintessence, de la physique à la biologie, de la logique aux mathématiques, sans oublier la métaphysique. Évidemment, Aristote a malgré lui figé la conception scientifique occidentale pendant près de 2000 ans. Comment le lire et comprendre son œuvre aujourd'hui ? Aristote, le petit père des sciences, c'est le problème dont nous allons nous saisir dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà un titre qui a provoqué le sourire chez mes deux invités qui vont venir et qui sont autour de la table de la méthode scientifique pour évoquer cette pensée aristotélicienne et sa postérité. Bonjour Annick Stevens. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie à l'Université populaire de Marseille, traductrice de la physique chez Vrin, la physique d'Aristote évidemment, de la métaphysique également dans la Pléiade. Bonjour Pierre Pellegrin. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au Centre d'Histoire des Sciences et des Philosophies Arabes et Médiévales à Paris, également traducteur notamment de la physique d'Aristote, cette fois-ci chez Flammarion. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez suivre, vous le savez désormais, notre émission sur les ondes de France Culture et en complément via notre fil Twitter où nous allons poster un certain nombre d'articles, bref, de références à ce qui va être dit tout au long de cette heure au cours de cette table. Alors, peut-être pour commencer, c'est vrai que nous recevions ici même, à ce micro, il y a quelques semaines, le physicien Carlo Rovelli, père de la gravitation quantique à boucle, qui renvoie à l'œuvre d'Aristote dans ses travaux sur le temps. Est-ce que c'est le signe, non pas d'un retour en grâce, mais que l'on peut à nouveau relire Aristote dans une extrême modernité, dans la pratique des sciences contemporaines les plus techniques, là en l'occurrence de la physique théorique extrêmement spéculative? Qu'en pensez-vous, Pierre Pellegrin ? Oh, je pense qu'on peut relier n'importe quoi à Aristote d'une certaine manière. Il est tellement compréhensif, si vous voulez, que effectivement. Mais enfin, il faut faire attention et se rendre compte que la théorie du temps d'Aristote, dont Annick va sans doute parler, ou peut-être parler, je ne sais pas, fait partie d'une physique qui, elle, du point de vue scientifique, est dépassée. Enfin, et moi, comme tous les gens de ma génération, je reste un bachelardien, et je pense que la physique d'Aristote est derrière la rupture épistémologique, il n'y a pas de doute. Mais cela dit, il y a des provinces scientifiques chez Aristote, et notamment, écoutez, la fameuse théorie du continu, dans le livre 6 de la physique, qui est absolument fantastique, qui a fasciné des grands esprits du XXe siècle, par exemple René Thom, hein, que j'ai bien connu, qui était... Alors c'est sûr qu'on peut toujours, de toute façon les savants, écoutez, les grands savants d'aujourd'hui, quand ils prennent la peine de réellement lire Aristote, ils en sortent émerveillés, ça c'est sûr. Annick Stevens. Oui, on peut, tout à fait d'accord bien sûr avec cet avis, et en fait je pense que c'est parce qu'il y a aussi quelque chose de tout à fait fondamental chez Aristote au sens vraiment des fondements de la science. C'est on peut toujours retrouver ce qu'il a dit de la science en fonction de, enfin, c'est-à-dire quels sont ses objectifs, quelles sont ses méthodes, qu'est-ce qui la distingue d'un discours qui n'est pas scientifique. Donc cette distinction-là est tellement importante entre ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Et je pense que les critères qu'il avance pour les distinguer sont toujours valides aujourd'hui. Alors s'ils ne sont pas tout à fait valides mais controversés, à ce moment-là, justement, ils alimentent la controverse. Je prends un exemple. Un de ses critères vraiment principaux, c'est que la science doit être une connaissance par les causes. Elle doit découvrir les causes des phénomènes, sinon on peut les connaître par une simple expérience de cas multiples, mais c'est toujours pas de la science. Et si on reprend ce critère de reconnaissance de la science, on peut voir qu'aujourd'hui, il est un peu en tension. Parce que pour certains scientifiques, abandonnent un peu la recherche des causes en menant une science seulement descriptive ou même seulement statistique, hein, de plus en plus. Mm-hmm. Donc le problème se pose en fait de savoir, est-ce qu'on a encore une connaissance et surtout une connaissance physique, hein, parce que quand on parle quand même des objets de la nature ou en tout cas de l'univers, bon, est-ce qu'on a encore une science physique si on ne comprend plus les causes des phénomènes? Peut-être, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, selon vous, appréhender cette pensée scientifique d'Aristote? Est-ce que ça a un sens d'essayer d'appréhender la pensée scientifique d'Aristote, c'est-à-dire de l'isoler du reste de son œuvre, qui est une œuvre, comme je le disais, de façon anachronique, holistique? Donc comment pouvoir séparer, est-ce qu'il faut, est-ce qu'on peut séparer cette pensée scientifique du reste de la pensée philosophique, de la philosophie d'Aristote? Mais c'est très difficile. En fait, apparemment c'est facile, parce que on regarde le contenu, la rhétorique, c'est pas de la science, c'est pas de la physique, mais en fait c'est assez difficile. Mais c'est assez difficile parce que il appartient, Aristote, à la grande tradition des philosophes savants. Par exemple, Descartes était un... Après, c'est plus possible parce qu'il faut choisir. Et puis, la science est tellement ramifiée et complexe qu'on peut plus tout savoir. On dit après le 17e en général, oui, après la Révolution. En gros. Vous voyez, Platon, c'est pas son cas. Spinoza non plus. Il fait partie des philosophes savants. Si bien que si on lui avait posé la question à lui, est-ce qu'on peut extraire ta science du reste de son œuvre, il aurait été un peu estomaqué, parce que pour lui, il fait toujours de la science d'une certaine manière. Oui, hein, et puis on peut voir aussi que dans la structure même de ce qu'il appelle les sciences théorétiques, oui, il inclut ce que nous appelons la philosophie dans son exclusion des sciences positives, il l'inclut comme une science. Donc la philosophie qu'il appelle première ou générale, c'est une science au sens vraiment fort de épistémé, parce qu'elle aussi, elle a les mêmes manières d'aborder ses objets, de démontrer, etc. Donc en fait, les sciences théorétiques envisagent vraiment l'ensemble de tout le réel, pourvu que ce soit le réel qui ne peut pas être autrement, hein, qui obéit à des nécessités, qui suit des nécessités, des régularités, et donc ça n'exclut finalement que la pratique, tout ce qui concerne les affaires humaines, qui elles sont contingentes, n'obéissent pas à des nécessités, à des prévisibilités absolues, etc. Et encore, il y a des sciences pratiques. Je veux dire, la politique est une vraie science, même si ça porte sur des choses contingentes et statistiquement vraies seulement, c'est néanmoins pas une pure empirie. Enfin, il le dit, oui. Mais enfin, la science au sens dur, c'est les sciences théorétiques, c'est-à-dire la physique, les mathématiques et la science première, disons la métaphysique. La théologico-métaphysique. Comment faire pour aujourd'hui appréhender cette pensée? Donc on va parler effectivement d'épistémé, donc cette pensée scientifique d'Aristote, sans sombrer dans les biais anachroniques de sa perception, ce qui peut être souvent le cas, parce que finalement parler de science, employer le mot science, scientia, c'est déjà être anachronique pour parler de la science d'Aristote, Pierre Belgrin. Oui, mais alors à ce moment-là, l'antidote, comme je le disais tout à l'heure, enfin je le disais pas, mais je l'ai presque dit, c'est de rester un peu bachelardien, c'est-à-dire de pas tomber dans le continuisme anglo-saxon qui appelle science les premières spéculations des hommes des cavernes jusqu'à nos jours, n'est-ce pas? Il faut voir qu'il y a des systèmes explicatifs du monde, qu'ils soient causaux ou légaux, qui sont des véritables constructions scientifiques, et il y en a qui n'en sont pas. Et comme je disais, globalement, la physique d'Aristote, qui est quelque chose d'admirable, et dont on peut tirer des incitations scientifiques, il n'y a aucun doute, sur le temps et sur bien d'autres choses. Je disais quoi déjà tout à l'heure? Le continu, oui. Néanmoins, est un organisme qui n'est pas scientifique au sens moderne du terme. Et c'est pourquoi la science physique a dû se constituer contre Aristote. Alors, à partir de sa de la révolution du 16e du 16e siècle, même 17e, vraiment c'est Galilée. Bon, il y a eu au 16e, il y a eu une révolution astronomique, certes, qui a déjà fichu le monde d'Aristote en l'air. Oui, c'est ça. Et surtout Kepler d'ailleurs. Parce que là, je sais pas ce que tu en penses, mais la véritable révolution scientifique pour moi, c'est vraiment Kepler, c'est-à-dire qui a cessé d'avoir des orbites circulaires. Alex Evans, vous pouvez répondre à la question de Pierre Pellegrin, même si on va revenir à Aristote, pourquoi pas? Est-ce que c'est Kepler la vraie, finalement? Est-ce que c'est Kepler la vraie rupture paradigmatique, la vraie rupture avec le premier pas de la rupture avec la pensée physique aristotélicienne? Moi, j'ai l'impression que la rupture, elle a lieu ailleurs, c'est-à-dire c'est plutôt, enfin, elle n'est pas si importante que ça. Moi, j'appuierais pas tellement l'option de la rupture. Elle se situerait plutôt dans le but de l'étude scientifique et ses objectifs globaux. Je pense qu'Aristote ne cherchait pas la même chose que ce qu'on commence à chercher à partir de la fin de la Renaissance, début des temps modernes. Oui. Il ne cherchait pas à établir des lois mathématiques précises à partir de mesures précises avec des variations expérimentales du même phénomène jusqu'à arriver effectivement à une formule mathématique qui définisse mathématiquement un phénomène. C'était pas du tout sa recherche et je pense que c'est là qu'il y a eu un changement radical. S'il y a une révolution, moi je pense que c'est là qu'elle a été. Lui, qu'est-ce qu'il cherchait en somme, Aristote ? Lui, il cherchait la nature des choses. Il voulait vraiment comprendre de quoi était fait l'univers et quels étaient, comment on pouvait expliquer tous les changements dans l'univers. Donc il essayait de ramener ces changements à des grandes catégories de changements qu'on puisse expliquer globalement et dire donc d'une manière générale comment ça se fait que les choses changent. Et c'était quelque chose d'important par rapport à son époque parce qu'il fallait lutter contre une tendance qui était de dire, plutôt platonicienne, hein, qui était de dire il n'y a pas de science du devenir. Ce qui change n'est pas scientifiquement connaissable. Et lui, il a dit non, ce qui change est scientifiquement connaissable parce qu'on peut trouver des grandes règles, justement, et régularités du changement. Donc il y avait déjà une révolution à ce moment-là. Je crois que la nouvelle révolution, ça a été, disons, d'abandonner cette idée plutôt essentialiste, enfin de chercher l'essence des choses pour se diriger vers la mesure des choses. Une question juste pour que la même question que je posais tout à l'heure à Pierre Pellegrin, quelles sont selon vous les façons d'appréhender en faisant fi du biais anachronique, est-ce qu'on peut aujourd'hui lire Aristote et comprendre la pensée d'Aristote sans céder à ce biais anachronique, même finalement qui consisterait simplement, comme je viens de le dire à l'instant, à vouloir extraire la science de l'ensemble de son corpus de pensée? Moi, en tout cas, j'ai trouvé beaucoup de choses qui m'ont absolument fascinée et qui m'ont fascinée davantage que les roulements à billes de Galilée, même sans vouloir évidemment le réduire à ça. Mais j'ai l'impression que justement, peut-être que c'est ça aussi qui suscite l'intérêt de certains physiciens contemporains comme Rovelli, c'est qu'on se pose aussi maintenant, et peut-être plus que jamais depuis la mécanique quantique, la question qu'est-ce que c'est que ces objets auxquels nous avons affaire ? Qu'est-ce que c'est ? Et comment ils fonctionnent ? Et du coup, on en revient même à des questions un peu plus, je dirais, ontologiques, c'est-à-dire à quel type d'être est-ce qu'on a affaire ? Donc je pense que, alors si on se pose de cette manière la question par exemple du temps, c'est plus intéressant que de se contenter de mesure du temps, hein, de dire oui, il y a différentes mesures du temps, etc. Oui, d'accord. Mais et si on pose de cette manière aussi la question de l'infini, par exemple, comme Aristote le fait, ça nous donne vraiment beaucoup de pistes pour penser quelque chose qui reste en fait un mystère. Parce que je veux dire, quant à savoir si l'univers est vraiment infini ou pas, ça reste une controverse, non ? Et on va vous mettre le lien vers l'émission que nous avions consacrée précisément à cette question de l'infini, à la façon de l'appréhender. Nous avions une heure de discussion passionnante à ce sujet. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h13 sur France Culture, nous parlons d'Aristote et de... Alors encore une fois, je vais mettre tous les guillemets, mais je vais finir par les enlever ou ne plus les signifier au cours de cette heure, parce que sinon ça va rallonger interminablement nos conversations, de la pensée scientifique d'Aristote. Allez, disons-le comme ça, c'est ce que nous allons essayer d'examiner de sa pensée et de ce legs scientifique qui aura marqué la pensée scientifique pendant presque 2000 ans. On en parle tout au long de cette heure avec Annick Stevens et Pierre Pellegrin. Peut-être un mot, vous le disiez tout à l'heure, Pierre Pellegrin, pour remettre un peu de contexte historique sur la compréhension de la réalité d'un point de vue scientifique au moment d'Aristote. Vous le disiez, Platon, le maître d'Aristote, n'est pas savant. Oui, il n'est pas savant en ce sens qu'il n'a pas un projet de connaissance totale de l'univers et il n'a surtout pas fractionné le domaine scientifique, comme l'a fait Aristote, dont nous sommes les héritiers directs. Enfin, je veux dire, nos sciences sont encore celles d'Aristote, c'est le père de toutes les sciences. Mais en fait, il se pose quand même, lui aussi, la question de la nature des choses, c'est un fait. Encore qu'il se dirige plus vers une conception légale qui sera celle de Galilée, hein, Platon, alors qu'Aristote n'a pas cette conception légale de manière centrale. Il l'a un petit peu, il l'a... Mais c'est vrai que, comme disait Annick Stevens tout à l'heure, c'est vrai qu'il se demande ce qu'est la nature des choses, plutôt que comment des variables sont entre elles reliées par une loi, etc. Bon. Donc voilà, c'est sûr que... du coup, Platon... Vous savez comment il s'appelle ? Coleridge a dit « Tout homme... » Les femmes dans ce temps-là ne comptaient pas dans le monde intellectuel. Tout homme est soit aristotélicien, soit platonicien. Et c'est vrai d'une certaine manière. Il le disait pour des raisons éthiques. Et c'est vrai qu'après le triomphe d'Aristote et de la science aristotélicienne au Moyen-Âge, il a fallu que les platoniciens fassent un retour fracassant à la Renaissance avec Marcille Ficin et compagnie. Et c'est grâce à cette cet accompagnement philosophique que la science physique moderne est née. Oui, ça, je le sais. On catégorise généralement la différence d'approche aristotélicienne par rapport à l'école platonicienne, de différence entre l'idéalisme d'une part platonicien et l'idémorphisme aristotélicien de l'autre. C'est une distinction qui vous paraît efficiente, Annick Stevens? Oui, c'est la toute grande différence, bien sûr, que à la fois Platon et Aristote pensent qu'il y a des formes qui sont qui rassemblent les caractéristiques de chaque type de choses, donc qui permet de les définir, de définir les choses, qui se transmettent chez les vivants ou qui se transmettent par les fabricants lorsqu'ils fabriquent des choses, et que donc c'est la grande différence, c'est que Platon considère que c'est les formes des choses naturelles existe indépendamment de tous les cas particuliers matériels de ces choses et indépendamment de nous qui les pensons, tandis que Aristote estime que toutes les formes générales se trouvent dans les objets particuliers, dans les individus et dans la pensée que nous en avons et pas ailleurs. Donc il n'y a pas de dédoublement de la réalité comme il y a un dédoublement chez Platon. Pierre Pellerin, sur cette distinction idéalisme-idémorphisme, Oui, qui est très classique en fait. C'est, c'est suffisamment large pour ne pas pouvoir être faux, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc dans un sens, comme le disait Annick, oui, c'est vrai que Aristote ne sépare pas les idées. Oui, c'est un fait. Alors d'une certaine manière, tous les deux sont fondamentalement d'accord. L'objet de science est éternel. Hein. Ou en tout cas, il est général. En tout cas, il a une forme d'éternité. En tout cas, il a une forme. C'est-à-dire que, par exemple, que si on dit que tous les animaux qui ont un poumon sont sanguins, c'est une proposition qui est vraie toujours. Oui, d'autant plus que comme il n'a pas, alors ça c'est vraiment une caractéristique très surprenante, mais bon, rétrospectivement, comme il n'a aucune, il n'accepte absolument pas une possible évolution des espèces et oui. Comme non plus son monde n'est pas. Il est fixiste, enfin le monstre. Alors que la proposition avait été faite plus ou moins, enfin il y avait des hypothèses, donc il pouvait un peu ressembler à ça chez les présocratiques. Bon, lui, il ne l'accepte absolument pas. Et surtout, son univers est incréé, il n'a jamais été créé, il n'est jamais né, il existe tel quel de toute éternité. Donc forcément, toutes les vérités générales qui sont en lui, oui, sont aussi vrais de toute éternité. Oui. Ça, c'est... Avant d'aborder à proprement parler la physique, j'aimerais qu'on essaye de comprendre, et c'est évidemment très complexe, la conception épistémologique, au sens pour le coup vraiment totalement étymologique du terme, d'Aristote. C'est-à-dire, on dit souvent, mais là aussi c'est un biais anachronique, Aristote n'est pas un expérimentateur. De facto, Pierre Pellerin, ça n'a pas de sens de dire « Ah, vous n'êtes pas d'accord avec ça ». Alors, moi j'ai changé là-dessus. J'ai changé là-dessus parce que je viens de traduire l'histoire des animaux qui est le plus long des traités d'Aristote, et je veux dire, l'expérimentation au sens bernardien, non. Certes, oui, il faut mais pas c'est pour ça que c'est très anachronique. C'est oui, de penser le scientifique comme un expérimentateur, ça n'a pas de sens avant enfin, le XVIIe siècle. Je veux dire, une observation. Et je suis maintenant sûr qu'il a disséqué des centaines d'animaux, alors que je pensais qu'il allait surtout chez les bouchers et chez les pêcheurs pour regarder. Non. Je pense qu'il a une vraie pensée, disons, empirique, sinon expérimentale. Ça, c'est un fait. Mais de toute façon, tout à l'heure, on parlera de la biologie, et je crois que... arrivé à mon âge, j'ai le droit de me corriger, n'est-ce pas? J'ai été beaucoup trop loin quand j'étais plus jeune en taxant Aristote de pensée pré-scientifique. Il est certain que dans sa biologie, on a une biologie qui est de niveau avec des biologies scientifiques ultérieures. J'en parlerai tout à l'heure. Sa physique, c'est autre chose. Mais sa physique, comme on vient de le dire, tous les deux, contient quand même pas mal d'incitations à penser. Qui a pu féconder les pensées, même aujourd'hui. Oui, c'est un fait. Annick Stevens, sur cette qualification d'épistémologie non expérimentatrice, alors c'était vraiment des mots qui pour moi sont extrêmement anachroniques, mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est fait ou qui même est reproché à Aristote, dire Aristote ne fait pas d'expérience, il ne cherche pas à valider sa pensée, ce sont des expériences de pensée, mais ça n'est pas du tout sa démarche intellectuelle. Alors évidemment, en même temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Aristote est considéré comme un empiriste, et c'est pas faux, puisque il dit que le premier stade de la connaissance, c'est l'observation sensible. Alors cette observation, il est vrai qu'il ne l'a pas déclinée à la manière dont on le fera à l'époque moderne, c'est-à-dire en mettant en place un dispositif expérimental qui permet une variation systématique de mesures. Ça, il ne l'a jamais fait. Encore une fois, pour la bonne raison que ce n'était pas ce qui l'intéressait. Et aussi, il faut dire que dans sa physique, c'est aussi parce qu'il s'occupe d'objets qui sont, pour la plupart d'entre eux, inexpérimentables. Quand on essaie de comprendre le mouvement des astres, on ne peut pas l'expérimenter, bien entendu, toujours pas actuellement. Alors, c'est vrai qu'il aurait pu, par exemple, expérimenter un petit peu plus la chute des corps ou le mouvement des projectiles. Je crois que c'est surtout sur ces deux thèmes-là qu'on l'a beaucoup corrigé. Oui, mais même sur le mouvement des astres, même sur l'observation, Aristote n'est pas un scrutateur du ciel. En fait, il n'en avait plus vraiment besoin, étant donné que, comme il le dit lui-même, toutes les tables extrêmement précises étaient disponibles, et même depuis des millénaires. Ça avait été fait, oui. Voilà, ça avait été fait, donc il peut utiliser tout ça. Et il y a plus que ça, en fait, à son époque. Lui, quand il parle d'astronomie, il se réfère au modèle de mathématiciens astronomes, qui sont Eudoxe et Calypte, donc ce sont plutôt des mathématiciens de la tendance platonicienne, ou proche, disons, de l'académie, et ils se réfèrent à leurs travaux en disant, moi, je n'ai pas les mêmes compétences qu'eux pour établir un modèle alternatif, je vais juste dire ce qui me semble à propos de leur modèle à eux. Et c'est comme ça qu'il reprend, en fait, ce modèle des sphères concentriques qu'on lui attribue, mais qui n'est pas de lui. Ah non. Ah, donc, qui, après, évidemment, va être pendant longtemps conservé et qui va attendre, effectivement, Kepler et d'autres. Quoique, il a été corrigé dès le 3e siècle par Aristarque de Samos, du moins qui fait l'hypothèse d'un héliocentrisme, donc d'un tout autre modèle. Mais ça n'a pas pris. Pierre Pellerin, oui. Oui, Aristarque de Samos, c'est vrai, héliocentrique. Mais comme je disais tout à l'heure, je maintiens que c'est Kepler. Parce que, si vous voulez, Aristarque de Samos, de même que Ptolémée, ne remettent pas en cause cet axiome fondamental, à savoir que le cercle et la sphère sont les figures parfaites. Et il faut s'en sortir en rendant compte de tous les mouvements uniquement avec des sphères et des cercles. Et ça, quand ça finira, bon, un monde finira, à mon avis. J'aimerais qu'on reste un peu sur ce rapport observation, expérimentation, expérience de pensée, et surtout même mathématisation, c'est-à-dire que Aristote n'est pas un mathématicien du tout. Il a une pensée mathématique, mais il ne cherche pas à mathématiser son approche du monde ou sa conception du réel. Oui, c'est un mathématicien. Il connaît très bien les mathématiques. La démonstration de l'incommensurabilité de la diagonale, c'est par lui que nous la connaissons, etc. Mais de fait, il pense... vous savez, Aristote n'est pas un réductionniste, c'est-à-dire que contrairement à Platon, il pense pas qu'il y a une seule science, la dialectique, et que quand on en connaît les principes, on connaît tout, y compris la politique, la cordonnerie, etc., tout ce que vous voulez. Oui. Il pense qu'il y a des domaines qui doivent être séparés les uns des autres, et que ces domaines sont régis par des concepts et des lois, entre guillemets, parce qu'il n'a pas de notion de loi, différentes. Et ça, c'était un obstacle, c'est sûr. Il n'a pas voulu faire collaborer, ou il l'a fait très peu, mathématiques et physique. Mais il n'a même pas voulu faire collaborer géométrie et arithmétique. Donc, vous voyez, c'était... ou très peu. Enfin, il l'a fait parce qu'il y avait une théorie générale des proportions. Mais... Annick Stevens fait une petite moue, elle n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord. Non, mais justement, parce que justement, comme Pierre l'avait dit tout à l'heure, sa théorie du continu, qui occupe vraiment une part essentielle de la physique, c'est une théorie qui est tout à fait en accord avec la géométrie, et il utilise vraiment les propositions géométriques, oui. Le fait que la ligne n'est pas composée de points, ni les surfaces de lignes, etc. Il a absolument besoin de ça. Il reprend vraiment cette notion de continu et il l'applique à des réalités physiques comme d'abord tout corps, donc absolument toute matière qui existe dans l'univers est continue pour Aristote, plus le mouvement est lui-même incontinu, et le temps est lui-même incontinu. Donc en fait, on peut dire que toutes les réalités physiques sont des continues, et ce sur une base de définition strictement géométrique qu'il connaît très bien, qu'il utilise sans cesse. Et il fait varier, on peut dire aussi, c'est très important, il fait varier ses proportions géométriques, par exemple donc la proportionnalité entre la vitesse, la distance parcourue, le temps, il fait varier tout ça, pour montrer les propriétés du continu. Donc en fait, il jongle avec ces thèmes qui sont quand même aussi bien géométrique que physique. Mais justement, puisque vous parlez du mouvement et de cette théorie du continu du mouvement, nous avons voulu faire l'inverse, c'est-à-dire remettre de façon expérimentale sur la paillasse les pensées et la pensée d'Aristote justement sur le mouvement. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à la plateforme de physique de Sorbonne Université pour faire une expérience balistique aristotélicienne. Oui, l'expérience du canon balistique. Pour Aristote, un objet qui est lancé en l'air suit le mouvement forcé par la main ou par un canon. Et lorsque la vitesse vers le haut devient nulle, eh bien l'objet retombe au sol à pic, selon la verticale. Et dans le cas où on se trouve en mouvement, le même objet lancé avec la même force devrait pour Aristote tomber en arrière, c'est-à-dire à la position du lancer de départ, derrière le véhicule qui avance. Pour vérifier en quoi ce principe est faux, je suis allée voir Pascal Bernard, responsable de la plateforme d'expérience de physique, et Jean-Michel Courty, qui est professeur de physique et chercheur au LKB. Pour Aristote, l'état naturel d'un solide, c'est le repos. Et donc, si l'on n'exerce aucune action sur un objet qui est en mouvement, alors il va spontanément revenir à son état naturel, qui est l'immobilité. Aristote ne manipulait pas, il se contentait de faire des observations, notamment sur les trajectoires des mobiles. Comment considérait-il la chute des corps, par exemple ? Pour Aristote, l'état naturel d'un objet, c'est le repos. Et donc, si on laisse un objet à lui-même, il va s'arrêter. Ce que comprennent Galilée et Newton, c'est qu'en fait, si on laisse un objet à lui-même, il va poursuivre son mouvement et qu'il n'y a pas besoin d'exercer de force supplémentaire pour qu'il continue à avancer. Contrairement à ce que pense Aristote, pour lequel il faut en permanence exercer une force sur un objet pour qu'il avance. Alors ici, on est devant un dispositif pour étudier la trajectoire d'un lancer vertical. Qu'est-ce que on va essayer de montrer ici ? Alors, dans cette expérience, on va essayer de mettre ces conceptions à l'épreuve. Donc, on a un petit chariot. Sur ce chariot, il y a un canon avec un ressort qui va projeter vers le haut une petite boule en plastique plein, qui fait 2 cm de diamètre. Je la place dans le canon et puis j'appuie pour armer le ressort. Et je vais faire une première expérience dans laquelle je vais laisser le chariot immobile. Le canon est dirigé vers le haut. Donc, à votre avis, que va-t-il se passer ? Avant de faire l'expérience, je pose la question à tous les auditeurs. Petit A, la balle monte et retombe exactement à l'endroit où elle est partie. Petit B, c'est une expérience de physique, donc ça tombe n'importe où. Les réponses sont un peu biaisées, mais j'opterai pour la réponse A. Voilà, alors je vais déclencher le canon. Attention. Alors j'avais raison. Alors voilà, l'objet est retombé de l'endroit où il est parti. Alors maintenant, on va faire la même expérience, mais en mouvement. Alors exactement, on va faire en mouvement. Ce petit canon est sur un chariot qui roule sur des rails horizontaux. Les frottements sont vraiment très faibles. Je vais vous demander d'essayer d'imaginer ce qui se passe. Donc le chariot avance et au bout de 10 cm, un petit objet horizontal fixe va déclencher le canon. La balle va donc être propulsée par le canon vers le haut avec les mêmes réglages que précédemment. Alors je vous demande d'imaginer ce qui se passe. Petit A, la balle s'élève à la verticale. Pendant ce temps, le chariot avance et la balle retombe exactement à l'endroit où elle est partie. Petit B, le chariot avancé, ça veut dire que la balle a avancé aussi un petit peu, mais bon, quand même, elle retombe derrière le chariot. Réponse C. Le chariot avance, la balle s'élève, elle suit une trajectoire parabolique et retombe exactement à l'embouchure du canon. Réponse D. La balle avance plus vite que le chariot et va tomber en avant. Donc je vais donner une petite impulsion au chariot. Et donc, la balle est retombée dans le chariot. Exactement, la balle est retombée sur le chariot, en fait, à l'endroit où elle est partie, mais à l'endroit où elle est partie, non pas par rapport au sol, mais par rapport au chariot. Ça, c'est quelque chose dont on a bien l'expérience. Et en fait, à l'époque d'Aristote, on n'avait pas des véhicules qui allaient aussi vite pour pouvoir faire ce type d'expérience quotidienne. Donc, pour vous, en allant avec le véhicule, on voit que le mouvement est bien vertical. Si maintenant vous regardez un observateur qui serait à l'extérieur du véhicule, par exemple quelqu'un sur le bord de la route, ce qu'il va voir, c'est que vous ajoutez à la vitesse horizontale de la balle une vitesse verticale. Pendant que la balle est en l'air, la vitesse verticale va diminuer, puis repartir vers le bas. Et la vitesse horizontale, en revanche, ne va pas changer. L'objet, puisqu'il n'est soumis à aucune force dans la direction horizontale, va poursuivre avec la même vitesse et donc va retomber exactement à l'endroit d'où il est parti par rapport au wagon. Si l'on imagine ce que dirait un aristotélicien pour l'affaire, pour lui, en fait, une fois que l'objet est en l'air, comme il a une vitesse horizontale, c'est pas son état naturel, il s'imagine que la vitesse va diminuer et en fait que l'objet devrait retomber en arrière par rapport à la personne qui l'a lancé et qui elle continue son mouvement. Et ça, Galilée le décrit bien dans un de ses textes, où il prend l'exemple de ce qui se passe dans la cale d'un bateau. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'invariance galiléenne. Donc, cette expérience est intéressante parce que le dispositif permet de séparer le mouvement horizontal du mouvement vertical. Dans le mouvement vertical, on a le poids. Donc la balle ralentit, réaccélère, c'est compliqué de savoir ce qu'est son, entre guillemets, état naturel. En revanche, dans la direction horizontale, lorsque la balle est en l'air, il n'y a aucune force d'appliquer. Et ce que nous montre cette expérience, c'est que la balle en l'air et le chariot en bas continuent tous deux à avancer à la même vitesse, ce qui fait que lorsque la balle retombe, le chariot aura avancé de la même distance et la balle retombera à l'orifice du canon qui l'avait lancé. Et voilà comment on refait des expériences pour comprendre finalement de manière empirique une certaine conception du mouvement d'Aristote. Qu'en pensez-vous que de ce reportage, Pierre Pellerin? On ne refait pas. Aristote a certainement pas fait une expérience de ce genre. Non, bien sûr, évidemment pas. Donc, oui. Non, ce n'est pas une expérience d'Aristote, c'était vraiment une façon de mettre... On n'a pas le temps de rentrer dans les détails scientifiques, mais Aristote, ce qui lui manque, c'est le principe d'inertie. Mais il arrive vraiment très très près. Il y a des moments où, vraiment dans la physique, j'ai repéré des... Enfin, c'est un peu technique pour en parler aujourd'hui, mais j'ai repéré des passages où vraiment, il se demande si... Il en arrive à se demander si finalement, l'immobilité et le mouvement uniforme, continu, c'est pas la même chose, ce qui est vrai. Ça dépend de la position de l'observateur, après tout. Annick Stevens. Oui, Le reportage, c'est une façon, évidemment, qu'Aristote n'a pas fait ces expériences-là, puisqu'on l'a dit, ça n'était pas un grand expérimentateur, mais sur cette façon de démontrer de façon expérimentale ou de comprendre de façon expérimentale, C'est pas que c'est un grand expérimentateur, mais comme elle disait Annick tout à l'heure, c'est pas la question qui se pose, tout simplement. Oui, c'est pas la question qui se pose, et puis j'ai l'impression, donc, d'une part, que cette expérience, effectivement, était censée montrer l'inertie, mais d'autre part aussi, le référentiel, l'idée de système référentiel, qu'effectivement, Aristote n'avait vraiment pas. J'ai l'impression que c'est un peu lui chercher des poux évidemment, il n'a pas fait ça, c'est certain. Oui. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Thank you. Un peu de Charlie Mingus sur France Culture à 16h35, Body and Soul pour évoquer le sujet du jour qui est le legs scientifique d'Aristote. C'est ce dont nous parlons tout au long de cette heure en compagnie d'Hank Stevens qui est professeur de philosophie à l'Université Populaire de Marseille et Pierre Pellegrin qui est directeur de recherche CNRS au Centre d'Histoire des Sciences et des Philosophies Arabes et Médiévales à Paris pour faire le lien un peu entre cette physique que nous évoquions tout à l'heure et la cosmologie d'Aristote qui elle aussi, on l'a dit, jusqu'à Kepler, selon Pierre Pellegrin, va marquer quasiment 2000 ans de conception de l'astrophysique, ou en tout cas de la cosmologie antique et médiévale. Peut-être que le lien que l'on peut établir entre les deux, c'est une réflexion sur la nature du mouvement kinésis qui est cher à Aristote et qu'il va s'attacher à décrire dans sa cosmologie, Pierre Pellegrin. Alors, le problème du mouvement, c'est typiquement le problème de la physique. Peut-être qu'Annick en parlera tout à l'heure un petit peu, mais pour ce qui est de la cosmologie, il faut voir que Aristote est une rareté. Il est le premier et peut-être le dernier cosmologiste, c'est-à-dire que il néantise la question de l'origine du monde que tout le monde s'était posé avant lui. C'est magnifique, ça, je veux dire. C'est quelqu'un qui ose ne pas, qui a dû quand même être poussé à la fois par lui-même et par les autres à se demander d'où venaient les choses, d'où venait l'ordre des choses, mais qui a le courage de ne pas se poser une question à laquelle on ne peut pas répondre. C'est merveilleux. Je veux dire, le monde a toujours été tel qu'il est. Et il sera toujours tel qu'il est. Autrement, on se heurte à l'objection de Parménide et on est obligé d'accepter une sorte de néganthropie, un ordre, un cosmos venant d'un non-cosmos. Bon. Et donc, il faut, quand on parle d'Aristote, il faut bien voir que, pour lui, on parlait de mouvement tout à l'heure, on parlait de billes sur des chariots, que tout ça, c'est dans le cadre d'un univers fixé, éternel, la Terre immobile au centre, et d'un univers fini, c'est-à-dire au-delà de la dernière sphère céleste, la sphère sur laquelle sont fixées les étoiles, qu'on appelle pour cela la sphère des fixes, il n'y a rien, pas de vide, il n'y a rien. Il n'y a ni espace, ni lieu, ni vide, dit-il. Ce qui est difficile à concevoir. Enfin, ça sera une des antinomies de Kant, n'est-ce pas? Il y a toujours... Et ça, Aristote, et dès après lui, alors Théophraste peut-être pas, mais dès les stoïciens, les gens vont se gratter où ça les gratte, c'est-à-dire qu'ils vont revenir dans la question de l'origine des choses. Comment ça s'est fait? Pour Aristote, ça ne s'est pas fait. Et c'est pour ça peut-être que j'aurai l'occasion tout à l'heure de remettre les choses en place à propos de son finalisme. Mm-hmm. Quand il dit que la nature fait quelque chose, la nature a donné des ailes aux animaux. Mais non, parce que quand on donne, si je vous donne quelque chose, si je vous donne ma bouteille d'eau là, je veux dire, il y a un avant, je vous la donne, hein, et un après. Or, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas une nature qui s'est dit, tiens, il vaudrait mieux qu'ils volent, ils survivront mieux. Enfin, il y a un équilibre depuis toujours qui fait que si les oiseaux n'avaient pas d'ailes, ils ne pourraient pas survivre et leur niche écologique serait vide. Donc la nature ne leur a pas donné des ailes pour les faire voler. C'est une manière métaphorique de parler. Et quant à l'essentiel de la physique, ça tourne effectivement autour de la question du mouvement dans l'univers, un mouvement qui n'a jamais commencé, et il y a une démonstration du fait qu'il n'a jamais commencé, en fait, et du fait aussi bien pour la même raison qu'il ne va jamais se terminer, parce que c'est une grande question qui est annoncée dès le début de l'ouvrage, c'est de savoir est-ce que l'univers risque de s'arrêter un jour ? Et il répond que non, avec certitude, et ce, par une démonstration qui commence par le temps. Il dit parce que le temps est nécessairement éternel. Et pourquoi est-ce que le temps est nécessairement éternel, donc ne peut pas avoir ni de commencement ni de fin? C'est à cause de sa théorie de l'instant. L'instant, c'est une limite dans le temps. Et comme l'instant est une limite dans le temps, en tant que limite, il est toujours entouré d'avant et d'après. Enfin, il y a toujours un continu qui précède un instant et un continu qui le suit. Et donc, il est absolument impossible qu'il y ait un premier instant ou un dernier instant dans le temps. Et donc cette absence, enfin c'est toute la théorie du continu évidemment vient soutenir cette thèse, et ce sera la même chose pour le mouvement. Comme un temps ne peut pas exister sans qu'il y ait au moins un mouvement, dont il est le temps, hein, dont il est la durée, la succession des étapes, du coup, il faut qu'il y ait un mouvement ininterrompu et éternel. Et là, c'est vrai qu'il avait le choix entre ou bien il y en a un seul, hein, toujours le même, uniforme, ou bien il y a une succession de mouvements différents, mais tels qu'elle ne s'interrompt jamais. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il a choisi un seul mouvement, hein, qui du coup est évidemment le mouvement de la sphère totale du extérieur de l'univers? Pourquoi il a choisi celui-là et pas plusieurs mouvements qui succèdent? Eh bien, c'est pour une raison de principe d'économie, exactement comme fera le rasoir d'Occam plus tard. C'est un principe d'économie parce qu'il suffisait d'une seule règle. Il suffisait de dire un mouvement peut se poursuivre éternellement sans être interrompu. Tandis que dans l'autre cas, il fallait dire non seulement il pouvait y avoir des mouvements continus, mais qu'en plus il fallait donner une raison pour laquelle les mouvements se succéderaient constamment. Il fallait donner une raison pour laquelle il n'y aurait pas d'interruption entre deux mouvements. Quand l'un s'arrêterait, un autre immédiatement aurait repris le relais. Et donc c'était beaucoup plus compliqué comme système de principe. Donc il a choisi le principe le plus simple. Mais il n'empêche que du coup, il a été contraint d'avoir cette théorie du moteur constamment en acte, un moteur constamment en acte, en vertu de son autre principe, mais celui-là totalement erroné, que si le moteur n'agit plus, le mobile, au bout d'un certain temps, s'arrête parce que la force, l'impulsion première n'agit plus. Donc, comme il fallait que le moteur soutienne constamment ce mouvement de l'univers, il a posé l'existence d'un moteur qui, du coup, sortait de l'enquête physique. Là, on a une raison pour dire que la physique n'est pas le tout de l'explication du réel, parce que ce moteur doit être lui-même immobile. Pourquoi ? Parce que s'il était mobile, il risquerait d'avoir un mouvement différent par rapport à son mu, à son objet mu, et l'univers pourrait changer de mouvement, ce qui n'est pas admissible. Donc, ce moteur doit être absolument immobile. S'il doit être absolument immobile, il ne peut pas être matériel, parce qu'il n'y a aucune matière qui soit absolument immobile, donc ce n'est pas un corps. Et alors de là, il le rejette vers la philosophie, il repousse à la philosophie première de définir quelle pourrait bien être la nature de ce... Et voilà, et là on sort de la physique, il le dit explicitement, là on n'est plus dans la physique. Puis s'il était mobile, il aurait un moteur. S'il était mobile, il devrait lui-même avoir un moteur. On ne ferait que reculer la question, effectivement. On est obligé d'aller jusqu'à un premier immobile. J'aimerais qu'on aborde également avec vous, Pierre Pellegrin, les notions de biologie qui font partie de la physique aussi. Hein, parce qu'on ne l'a pas dit suffisamment, mais la physique aristotélicienne, ce n'est pas la physique telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est la physique au sens physis, la nature, les règles naturelles. Et la biologie appartient à ces règles naturelles. Que ce ne soit pas la physique au sens d'aujourd'hui, Annick Stevens l'a bien montré, ça suffit. Ça suffit pour le comprendre. Alors, effectivement, la biologie... attention, la biologie, c'est pas un mot aristotélicien, ça n'existe pas chez Aristote. Ce qui est curieux, parce que vraiment, il a fondé la biologie. La biologie, elle est... Les êtres vivants sont l'exemple type de l'objet physique, c'est-à-dire qui ont en eux-mêmes le principe de leur mouvement et de leur repos. Chaque fois qu'il fait une liste d'objets physiques, tout de suite, il y a les vivants, leurs parties, et puis les éléments. Si bien que la biologie, c'est extrêmement important, la biologie, dans l'interprétation d'Aristote, parce que, enfin, je prêche pour ma paroisse, parce que vous savez, l'un des grands retournements dans l'interprétation d'Aristote a eu lieu il y a une quarantaine d'années, c'est ce qu'on appelait le tournant biologique, le biological turn, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que des gens se sont mis à lire sérieusement, quand même le tiers du corpus aristotélicien est fait d'ouvrages biologiques, l'histoire des animaux, les parties des animaux, la génération des animaux, le mouvement des animaux, la progression des animaux, et même le De Anima d'ailleurs. Hein ? Oui. Oui, hein. Et les Parve Naturalia, oui. Et les petits traités d'histoire naturelle. Bon. C'est assez drôle parce que quand j'étais jeune, par exemple, un de mes maîtres, Aubinck, n'avait jamais lu les parties. Et alors, lors de ma thèse, je me souviens, il avait dit, oh, grâce à vous, j'ai lu les parties des animaux. Mais c'est bien, hein. C'est bien, oui. C'est-à-dire, on laissait ça aux historiens de la biologie. Pierre Aubinck, qui a contribué au renouvellement de la considération sur Aristote à la fin au début des années 60. Sur la métaphysique. Sur la métaphysique. Bon, c'était un grand homme, hein, Pierre Aubinck. Et il n'avait jamais lu ça. Or, aujourd'hui, on s'est rendu compte que comment comprendre la téléologie d'Aristote telle qu'elle s'étale dans la physique et la métaphysique sans avoir lu de très près, ce qui est très difficile, hein, les parties des animaux. Comment comprendre la notion d'acte et de puissance sans avoir vraiment bûché de très près cet ouvrage très très difficile qui est la génération des animaux. C'est un métier, hein, de lire des choses comme ça. D'ailleurs, c'est le mien, d'une certaine manière. Ça tombe bien. Vous voyez. Et alors, donc, le tournant biologique, c'est deux choses. C'est d'abord appliquer les concepts physico-métaphysiques d'Aristote au corpus biologique, mais surtout lire le corpus physico-métaphysique à la lumière des corpus. Et alors là, si vous voulez, c'est là qu'on voit que Bachelard, ça marche en physique, mais ça marche pas en biologie. Et je rejoins ce que disait Annick tout à l'heure. C'est-à-dire, pourquoi ça marche pas en biologie? Eh bien, parce que la biologie, c'est un système de, comment on peut dire, d'objets autorégulés, hiérarchisés, porteurs de sens. Et du coup, se demander ce qu'ils sont et pour quelle cause ils sont comme ils sont, ça reprend tout son... tout son sens. Je veux dire, c'est ce que m'a appris mon maître Canguilhem, n'est-ce pas? Même l'amibe est porteuse de sens. D'abord, une amibe, c'est quelque chose. Alors qu'un objet physique, c'est rien. Je veux dire, c'est pragmatique. Je veux dire, dire que cette table est une chose physique, je veux dire, c'est uniquement parce que je m'en sers, mais si je la coupe en deux, il y aura deux objets physiques. Alors que l'intérieur et l'extérieur, pour une amibe, ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Et pour nous aussi, comme... Et alors, vous savez comment j'ai compris, moi, je crois avoir un peu compris la biologie d'Aristote, c'est parce que depuis toujours, j'étais un grand lecteur de Cuvier. Mmh. Et Cuvier, vraiment... Bon, Cuvier, ça aussi, c'est un métier, parce qu'il a tellement écrit, cet homme. Et alors, si vous voulez vous faire une idée de ce qu'est Cuvier, relisez les 20 pages que Michel Foucault lui consacre dans « Les mots et les choses ». Je suis sûr que Foucault a beaucoup moins lu Cuvier que moi, mais il l'a bien mieux lu. C'est-à-dire, il a saisi tout de suite. Or, on retrouve chez Cuvier, sans... et Cuvier en était conscient, puisqu'il dit qu'Aristote a laissé bien peu de choses à faire à ses successeurs. Un état de la physique, de la biologie, cette biologie qui était avant l'évolutionnisme et avant la génétique, n'est-ce pas? Eh bien, Aristote l'a vraiment fondée. Et là, enfin, si vous voulez, on pourra donner quelques précisions. N'est-ce pas? Il a fondé l'anatomie comparée. Oui. Il a montré. C'est un des pères de l'anatomie moderne, Cuvier. On est au début du 18e, hein, c'est ça? Comment? On est au début du 18e. Quoi? Cuvier. Ah non, au début du 19e. Du 19e, pardon, oui. Il était fin du 18e, début du 19e. Oui, c'est pardon. Ça. Absolument. Et il était sous Napoléon, puis après il était. Il est mort, le pauvre, en 1832, je crois, non, de choléra, c'est pas ça? Alors, ça, je ne pourrais pas vous dire s'il est mort du choléra, mais il est mort effectivement en 1832 à Paris. Ah, il est né en 1769 à Montbéliard. 69 à Montbéliard, oui, c'est ça. Alors, pour revenir à Aristote et à la biologie d'Aristote. Alors, la biologie d'Aristote, c'est très intéressant parce qu'il n'y a rien de tel avant Cuvier, justement. Je veux dire, tous les Pline l'Ancien, même les taxinomistes du XVIIe et XVIIIe siècle, ce ne sont pas des biologistes. C'est-à-dire, c'est des gens qui font des listes de caractères, les mœurs des animaux, etc. Mais quant à chercher... derrière le foisonnement des espèces, n'est-ce pas, il y a les crabes, les marguerites. Je dis les marguerites parce que je sais qu'il y a une toute jeune fille qui nous écoute et qui s'appelle Marguerite. Écoutez, on la salue. Oui, bonjour Marguerite. Alors, bref. C'est ça. Vous voyez, derrière le foisonnement des formes vivantes, il y a des invariants. Par exemple, après tout, un poisson et nous, c'est pas du tout pareil. Mais d'une certaine manière, si, parce que les branchies et les poumons, c'est deux manières analogues de... Et dernière chose encore, si vous voulez, un être vivant, c'est un ensemble hiérarchisé, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui sont complètement essentielles. Par exemple, tous les animaux à cornes n'ont qu'une rangée de dents. Mais ils n'ont qu'une rangée de dents, du coup, ils ont plusieurs estomacs. Ça, c'est fondamental d'avoir plusieurs estomacs. Alors qu'à d'avoir des cornes, c'est certes utile, mais c'est un caractère secondaire. Et vous voyez, là, vous avez une biologie, parce que vraiment, c'est ce qu'est un vivant. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une vraie façon un recensement, une recension du vivant, une classification, c'est-à-dire un travail finalement, effectivement, de quasiment naturaliste, Annick Stevens. Oui, mais c'est pas la classification qui l'intéresse, hein, comme Pierre l'a bien montré dans ses travaux aussi. En fait, c'est vraiment la fonction qui l'intéresse, c'est vraiment une biologie fonctionnelle. Voilà. Hein. C'est ce qu'il cherche, c'est effectivement comment sont effectuées les fonctions essentielles à la vie de manière très différente dans différents types d'organismes. Et c'est pour ça qu'il les compare. C'est pour vérifier comment les fonctions essentielles à la vie sont chaque fois remplies de manière tout à fait diverse. Oui. Et donc, c'est aussi dans ce sens, alors qu'il y a un certain finalisme qui s'installe, puisque chaque être vivant doit être d'une certaine façon pour assurer ses fonctions vitales et donc pour que l'espèce se perpétue. Et en même temps, c'est très curieux parce que On disait tout à l'heure que peut-être il était très proche d'avoir mis en question, d'avoir trouvé l'inertie. En tout cas, moi, je pense qu'il était très proche d'avoir trouvé pourquoi il y a une telle adaptation de chaque espèce à la survie. Parce que ça, alors il le dit, il faut vraiment que ce soit adapté, c'est-à-dire que tout soit coordonné. Alors, s'ils ont tel organe, ils doivent avoir tel autre, parce que sinon, c'est pas compatible, etc. Ouais. Donc, tout est fait de telle manière que la survie de l'espèce soit assurée. Mais c'est... Le problème, c'est que comme il dit, c'est depuis toujours comme ça et ça n'a jamais changé. Du coup, il n'a pas besoin de cette idée de sélection de ce qui n'aurait pas été justement adapté. Quoi. J'aimerais, il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes avant la conclusion de cette émission. J'aimerais qu'on parle un peu de la transmission, de la postérité de l'œuvre aristotélicienne, puisqu'on l'a dit, elle va fixer en quelque sorte, elle va être reprise, elle va être modifiée, elle va être annotée, elle va être amputée, elle va être très largement transformée, elle va être traduite, retraduite à partir d'autres langues, et elle va fixer un peu une forme de corpus scientifique immuable, lui aussi, hein, presque fixiste, pendant quasiment 2000 ans. Pouvez-vous nous en dire un mot, Pierre Pellegrin, comment se transmet justement cette œuvre-là, et pourquoi prend-elle, et pourquoi devient-elle à travers la scolastique, finalement, la première, la seule science occidentale, hein, parlons bien de science occidentale, compatible avec le christianisme. Il y a eu deux grands moments. Il y a eu d'abord l'appropriation d'Aristote et beaucoup moins de Platon par les Arabes, ça c'est très important, avec ce summum au XIIe siècle qui a été Averroès, le commentateur, et il y a la continuation de ce mouvement par les théologiens dominicains du XIIIe siècle en Occident, c'est-à-dire Albert le Grand et surtout Thomas d'Aquin. Et Thomas d'Aquin, bien voilà, sûr. C'est ça. Et alors ces gens avaient une telle puissance intellectuelle que ce que voulaient ces gens-là, je vais parler uniquement des chrétiens, des dominicains, mais pour Averroès, en gros, c'est la même chose. Ce que voulaient ces gens-là, c'est faire coexister la puissance créatrice de Dieu et un monde qui marche selon ses propres lois, si vous voulez. Alors que dans l'augustinisme ambiant, chaque fois qu'il pleuvait, c'était parce que Dieu le voulait bien, ce qui est vrai, d'une certaine manière. Bon, ça reste toujours possible sous la forme du miracle, par exemple. Bon. Mais ce que ces gens-là voulaient, c'est que des mécanismes repérables et universels puissent être mis à jour et qu'on puisse déceler, le mystère des lois de ce monde. Bon, et ça, c'était une révolution fantastique. Et donc, c'est comme ça que, évidemment, après, vous savez que les choses se saucifient, c'est-à-dire à partir du moment où Aristote a été sanctifié par l'Église catholique en Occident, il a été beaucoup moins en Orient par l'Église. Par l'Église orthodoxe, eh bien, il est devenu un dogme qu'il ne fallait pas toucher, etc. Et Aristote s'est effectivement fossilifié. Mais fossilisé, on dit, non ? Fossilisé, oui, tout à fait. Mais avant d'en arriver finalement très tardivement, au XIIe siècle, enfin, il y a déjà 1000 ans quasiment qui sont passés. Je veux dire, comment se... Parce qu'on n'a pas parlé du lycée, évidemment, mais il y a Théophraste qui va dès le départ commencer à fixer l'œuvre d'Aristote parce que la science intéresse assez peu Théophraste. En fait, Théophraste a écrit plusieurs traités donc de science et même sur les plantes et des traités de biologie. Mais non, ce qui est important, c'est que quand même, il faut dire, on ne le signale pas assez souvent, qu'Aristote a été très discuté dès ses premiers successeurs. Donc Théophraste lui envoie des objections, lui adresse des objections. Straton, qui est le successeur de Théophraste, lui adresse des objections même très physiques, hein, même sur des points précis de la physique. Et donc, en fait, la science aristotélicienne, elle est très discutée dans l'Antiquité. Alors, on peut dire que même les systèmes, disons... Alors, il y a moins de systèmes très innovateurs en physique dans l'Antiquité, mais les propositions épicuriennes et stoïciennes sont toujours une référence aussi, soit pour l'accepter, soit pour la réfuter, à la science aristotélicienne. Mais c'est très discuté, très controversé. Et à partir du néoplatonisme, là aussi, il y a vraiment une vision, disons, générale de l'univers et des modes d'être des étangs qui est tout à fait rivale avec celle d'Aristote et qui même est prépondérante. Le néoplatonisme, à la fin de l'Antiquité, dépasse de loin à l'aristotélisme. Ah, oui. Enfin, il l'éclipse complètement. Et d'ailleurs, lui aussi va influencer les Arabes, alors plus par Avicenne. Oui, plus par Avicenne, oui. Et il y a tout un... il va influencer le christianisme aussi. Donc en fait, les deux sources coexistent. Et moi, je ne dirais pas qu'il y a une domination de l'aristotélisme ni dans l'Antiquité, ni dans au Moyen-Âge. Pas du tout. Il y a vraiment des écoles rivales. Oui. À partir du XIIe, quand même, ça devient très hégémonique. Oui, voilà. Jusque-là, effectivement. Jusque-là, où, effectivement, comme tu l'as montré, on en a vraiment eu besoin pour pouvoir, disons, introduire un peu de science dans la théologie. Mais vous comprenez, ce qu'elle dit est très juste, parce que le néoplatonisme est tellement... Quand le christianisme arrive, et l'islam, c'est pareil, il est tellement bien pour le christianisme, voilà, le néoplatonisme. Il s'adapte si bien au christianisme. Ça lui va comme un gant. Je veux dire, concilier Aristote et christianisme, c'est d'une certaine manière une violence faite au christianisme. Il y a eu une violence faite au corpus aristotélicien. Et d'ailleurs, vous savez que saint Thomas d'Aquin a été condamné par l'Église à un moment. Certaines de ses propositions ont été condamnées par Eugène Tempier, l'archevêque de Paris, là, dans la fameuse condamnation de 1277. Bon. Et c'est vrai, tout naturellement, le stoïcisme pour la morale et le néoplatonisme pour la... N'oubliez pas aussi qu'avec la notion de création, avec le christianisme, sa notion de monde éternel était challengée, comme on dit aujourd'hui. Hein. Et déjà, ses commentateurs, Philopon et tout ça, étaient très critiques. Et c'est vrai qu'il a été contesté dès le début. Et que c'est une sorte de résurrection miraculeuse, celle d'Averroès et de Thomas d'Aquin. Et violente, encore une fois. Oui, mais qui portait aussi plus sur la métaphysique ou sur le traité de l'âme, enfin les facultés de connaissance, ou le rapport entre l'homme, la pensée, Dieu, bien sûr, et la compréhension qu'il pouvait avoir du monde. Donc ça portait plus sur ces principes très généraux, sur cette philosophie très générale, que évidemment sur des points scientifiques précis. Je ne pense pas que Thomas ait tellement discuté de questions précises. Non. C'était pas tellement ça non plus qui les intéressait. Alors, à la Renaissance, la biologie d'Aristote, là, a vraiment été prise au sérieux. Et ce sera l'occasion d'une prochaine émission de dire finalement comment cette biologie... Mais on en a déjà un peu parlé quand on a parlé de nombreuses fois du naturalisme et du naturalisme à la Renaissance. Merci encore infiniment tous les deux d'être venus parler de cette physique aristotélicienne et de sa postérité dans l'histoire des sciences. Merci Annick Stevens. Je rappelle que on peut lire votre traduction de la physique dans les œuvres d'Aristote en Pléiade, dans l'éthique politique, rhétorique, poétique et métaphysique que vous avez traduite d'ailleurs, et les œuvres complètes également que vous avez dirigé et dont vous avez traduit la physique, Pierre Pellegrin, c'est chez Flammarion. Merci également, n'oubliez pas que nous sommes jeudi et que depuis hier, vous pouvez retrouver le podcast des idées claires de la semaine. Vous savez que toutes les semaines, nous attaquons ici sur France Culture et sur France Info à une idée reçue, à une fake news, à une fausse information pour essayer de lui tordre le cou et de donner un peu ce que la science atteste à propos de cette idée-là. Cette semaine, nous parlons du lien entre Daesh et les services secrets américains. Vous pouvez retrouver ça sur votre application de podcast favorite, ainsi que sur les sites et les réseaux sociaux de France Culture et de France Info. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'était Jean-Guilain Mèche aujourd'hui à la technique et Alexandra Longuet à la réalisation. La suite de vos aventures dans un instant, c'est le dernier épisode de la série documentaire de la semaine de Pauline Mocor et Diffie Mariani, engagée volontaire, se battre pour ses idées. Tout à l'heure, à 18h20, du grain à moudre, jusqu'où aller pour sauver son usine. Et puis pour ce qui nous concerne, demain, journée spéciale sur France Culture, on va parler, une fois n'est pas coutume, sur cette antenne de sport, puisque c'est le début de la Coupe du Monde de football. Pour nous, pour ce qui nous concerne dans La Méthode Scientifique, nous parlerons demain de l'irruption des données dans les compétitions sportives et comment les statistiques ont modifié la figure du sportif de haut niveau. Coupe du Monde de foot, reprise de données sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.